J'arrive comme un foulec sous les déterres, je viens mettre ma ville sous les bombes. Les torses bombés seront plombés et quitteront ce monde. À part ça, tout va bien, mec, j'ai la pêche comme à 20 ans. Je suis en forme olympique, dernier tour de piste avant de stopper le son. Je suis bancal comme la tour de Pise. Je reste pisse devant les fils de pute. Respire, c'est LDGS, la caille pure et sur la prod on pisse. C'est carré mon ref, survole le rap comme un drone. Trop chaud, j'déconne, gros rallume le con que j'décolle, colle, colle. Ça kick, écoute, comme on découpe, appelle-nous les samouraïs. Demande pas si ça va, demande-nous si ça rap, rap, rap. Trop chaud les rappeurs, dealers de barrettes. Mais le seul tube qui sortiront, c'est de leur paquet de cigarettes. LPK, faudrait qu'on salive, ouais, deux sur l'instrumental pour la salirer. Là, j'te rejoins jusqu'à la salivette, peuvent pas m'analyser, j'ai même plus de saliver. Trick style, LPK, LDA, on fait que de monter les RPA. Pour tirer, j'ai pas besoin d'RTA. Qu'une vie comme le monde RD, j'me roule un RPG7 pour écrire, j'dois péter ma tête et tout. Jour le E, le A, le 7, les yeux sont rouges, pétasse ou teute. Donnez-moi le chromie, j'pas le temps comme Sonic. Autour, pas de commis, la mentale est solide. Donne-moi du liquide et j'te donnerai solide. Donne-moi du liquide et j'te donnerai solide. Toujours dehors, poteau, même si caille. Souvent la K, des fois mexicaine. Veulent pas qu'on bédave ni que la flicaille. L'argent rentre toujours et même quand j'ken. On a 6-6-2, c'est le 6-6-2. Tristyle, pas besoin d'assistant. Ils ont voulu me faire, mais j'suis résistant. LPK, faudrait qu'on salive, ouais. À deux sur l'instrumental pour la salir. Là, j'te rejoins, j'ai ce qu'il a salivé. Pas faut m'analyser, j'ai même plus de salivé. LPK, faudrait qu'on salive, ouais. À deux sur l'instrumental pour la salir. Là, j'te rejoins, j'ai ce qu'il a salivé. Pas faut m'analyser, j'ai même plus de salivé.